qui tourne, etc. etc. On te lance des rayons, des gouttes, des pierres. La faune se moque de toi, qui sue, qui mendie. Et ses flèches te saignent à blanc sous ton bronzage. Ne t'appuie pas sur la rumeur, ce n'est qu'un vieux bâton tordu peu fiable. N'attends pas le bon samaritain, parce que le bon samaritain, c'est toi. Ce flot subliminal pour étancher ta soif, puise à ta source tes ressources humaines. Vie, ce parcours initiatique te réinitialise. Comme ça, t'auras encore la chance du débutant. Mais regarde, l'herbe est toujours plus verte à côté. Tu recommences à rêver. Enfin, ce serait trop facile s'il suffisait de se dénuder pour se retrouver au paradis. Allez, marche contre ton impatience. Allez, marche jusqu'à en pleurer. Abandonne ce qui te pourrit, ce ne sont que des détours qui te divisent. Le paysage défile, mais tu ne te défileras pas. Allez, brûle, brûle, brûle, pèlerin en marche. Brûle, brûle, brûle, surtout ne t'arrête pas. C'est le mal qui s'est fait.